Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Le Trouve l'info chaque semaine, vous connaissez le principe. Je donne des débuts d'infos, il faut trouver la suite. Cette semaine, on va le faire différemment. On va simplement se partager des infos insolites, étant donné que c'est pas possible de faire deviner. La première info qui était assez interpellante, assez marrante, enfin, c'est pas marrant, mais c'est quand même dingue. Eh ben, un homme britannique a survécu au Covid, à la dengue et au paludisme. Donc voilà, en quelques temps. Et c'est pas tout, puisqu'il a également échappé à la morsure d'un cobra. Ah oui. Donc, comme quoi le mec, là, ces derniers jours, ça n'a pas été vraiment, vraiment sympa. Le médecin qui l'a pris en charge a dit pendant qu'il était avec nous, il était conscient et présentait des symptômes de morsure de serpent, y compris un flou de la vision et des difficultés à marcher. Il a dit mais ce sont généralement les symptômes passagers. Et quand il a été admis à l'hôpital, bien évidemment, il pensait d'abord que c'était le Covid-19. Et puis il a expliqué tout ce qui s'était passé. Et ils ont dit t'as de la chance de toujours être debout parce que t'as quand même eu pas mal de choses. Hein, ouais. Le paludisme, la Covid, piqûre de serpent, tout ça. C'est en Inde que ça s'est passé. Assez dingue. Alors une autre info, il y a la piscine la plus profonde du monde qui est destinée aux plongeurs, avec 45,5 mètres de dénivelé. Elle a ouvert ce week-end du côté de Varsovie en Pologne. Elle est baptisée Deep Spot et elle recèle notamment des reproductions de grottes sous-marines. 45 mètres, il y a moyen d'en faire des choses, des choses sympas. Effectivement, oui. 45 mètres, c'est quand même profond. Il faut avoir un fameux souffle, alors une bonne bouteille avec nous. Donc un petit peu de chiffres, il y a dedans 8000 mètres cubes d'eau dans cette piscine, donc c'est énorme, soit 20 fois le contenu d'une piscine standard de 25 mètres de long, donc voilà, c'est sûr, énorme. Hein. C'est sûr qu'avec ton petit tuba, t'y vas pas au fond. Hein. Ah non, là c'est sûr que ça passe pas. Alors, autre chose, un projet scientifique baptisé Eudoropa ambitionne de créer une bibliothèque olfactive. Donc olfactive, une bibliothèque olfactive, c'est une bibliothèque d'odeur, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, voilà. Eh ben, ils veulent reproduire une bibliothèque regroupant des effluves disparues. C'est-à-dire, par exemple, de recréer des senteurs présentes dans l'Europe au 17e, 18e, 16e, 15e siècle. Ah. Et donc, différents scientifiques, experts et ingénieurs britanniques, européens aussi, sont spécialisés là-dedans et vont contribuer à l'avancée du programme. Donc, il y aura une petite bibliothèque où on pourra les sentir aller l'heure 1400, 900. On pourra sentir un petit peu par époque. Donc, c'est assez dingue. Je vois pas trop à quoi ça sert, à part peut-être, pour ceux qui sont fans de l'avant. Mais je vois pas trop le principe. Après, pourquoi pas, on fait un petit peu de tout en ce moment. Donc, pourquoi pas lancer ce projet aussi. Alors, dans la suite des infos, en un tour de baguette, votre pain, et votre attestation de déplacement sont ensemble. Allez, je vais te faire deviner quand même cette fois pourquoi, Xavier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'attestation se retrouve sur le pain? On va dire qu'il y a un rapport entre les deux. Donc, une attestation qui est sur un pain? En fait, t'as trouvé le truc, tout simplement. Le boulanger, il a décidé de refaire les emballages de ses baguettes. Et il s'est dit, j'ai des clients un petit peu vieux qui ne savent pas comment imprimer, qui ne voient pas l'intérêt de gâcher des feuilles pour simplement faire des attestations. Et du coup, les gens, quand ils vont chercher leur baguette ou leur pain, sur la feuille de l'emballage, donc l'emballage de pain, l'emballage de baguette comme on a chez nous, il y a une attestation qui est imprimée. Comme ça, les gens ont tout simplement une attestation avec eux. Ah, ouais, c'est pas mal ça comme concept, c'est quand même dingue. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Ouais, franchement, ouais. Donc voilà, quelques petites infos qu'on décidait de quand même vous partager. Toi, Xavier, est-ce qu'il y a une info qui t'a un petit peu marqué cette semaine? Un truc un peu sympa, un truc qui t'a fait sourire, hormis le Covid. Est-ce qu'il y a un petit truc qui t'a un petit peu... qui t'a fait sourire ou qui t'a bien plu? Écoute, c'est le... de faire comment? Une nouvelle recette de tartiflette. Ah ouais? Je sais pas si tu l'as vu, c'est des différents composants que tu dois mettre dans ta tartiflette. Ouais. Et franchement, ça avait l'air sympa. Et puis j'ai vu aussi qu'on fabrique de plus en plus de viande végétarienne. Donc c'est plus... c'est pas de la viande réellement, mais c'est plus du végétal. Des nutriments ajoutés. Et on a vu que ce genre de nourriture pourrait être aussi expérimenté dans l'espace. Justement, on reviendra dans un instant là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de tartiflette, j'ai vu que tu en avais mangé une il y a pas longtemps, toi. écoute, on avait envie de faire les fêtes avant les fêtes. À l'avance. Merci beaucoup, Xavier, pour ces infos. Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Une série que j'ai découvert il y a pas longtemps, elle s'appelle L'autre côté en français et c'est au rythme de un épisode par semaine que depuis le 11 septembre, on peut la découvrir sur la plateforme Netflix. C'est une série espagnole. Une fois par semaine, un nouvel épisode sort jusqu'à la fin où ils seront tous disponibles. Donc, il y en a qui aiment bien regarder chaque semaine comme moi ou il y en a qui préfèrent attendre que tout sorte avant de pouvoir la regarder. C'est peut-être

Ah non, non, c'est un chanteur, mais c'est pas Florent Pagny. Il a la peau un peu basanée, ce deuxième chanteur, bah, comme Pascal Légitimus d'ailleurs. Allez, si je te dis Le Pouvoir des Fleurs. Le Pouvoir des Fleurs. Eh bien, écoute, là, je donne ma langue au chat parce que ça ne me vient pas en tête, là. Ah, mais c'est Laurent Voulzy. Ah oui, Laurent. Oh, purée, ah, oui. Ah, maintenant que tu le dis. Oui. Oh oui, Laurent. Comme si il le connaissait. Bah oui, Laurent. Laurent. Mais voilà, Laurent est cousin avec Pascal Légitimus. Alors, dans les autres stars, il y a Dick Rivers et George Lucas. Bah, par exemple, la fille de Dick Rivers, elle est sortie 3 ans avec le papa de Star Wars, qui est George Lucas, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, je vais te donner plusieurs stars qui ont des liens en commun. Oui. Angelina Jolie, Hillary Clinton, Céline Dion, Ryan Gosling et Justin Bieber. Alors Angelina et Hillary, elles partagent un ancêtre commun qui est mort en 1718, donc c'est assez loin. Hillary partage un des aïeux avec Madonna, elle-même cousine éloignée de Lady Gaga. Et Céline Dion. Et Céline Dion est la descendante d'un migrant français, d'un émigrant, pardon, français, dont les gènes donneront 400 ans plus tard, pour notre plus grand bonheur, Justin Bieber, cet artiste américain. Comme quoi, tout est lié. Mais donc, voilà, le un monde petit peu petit. Toutes les stars qui ont des liens en commun. N'hésitez pas, vous, sur les réseaux sociaux, à nous dire si vous connaissiez des stars qui sont de la même famille. Bien évidemment, je ne les ai pas toutes mises, il y en a encore plein d'autres. Celles qui vous marquent le plus ou que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux.